L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est en ce moment la 24e édition du Festival international du film de Nancy. Ça se passe jusqu'au 2 septembre sur le site de la manufacture, notamment. Pilar, bonjour. Bonjour Yves. Nous vous retrouvons aujourd'hui, eh bien comme chaque jour, pour découvrir le programme de cette 24e édition. Aujourd'hui, mardi 28 août, exposition, cinéma en plein air, de la musique aussi nous attend. Quel est le programme de ce mardi 28 août ? Ce mardi 28 août, nous continuons avec l'atelier Stop Motion. Donc, comme j'avais dit déjà hier, malheureusement, heureusement, l'atelier il est déjà complet. Mais je vous invite à envoyer un mail si jamais vous avez été intéressé et que vous ne savez pas où la place, au pe@fifnl.com, et disons que vous serez bien aimé d'être là et que nous aurons notre atelier, vous serez bien invité et les bienvenus. Ensuite, nous continuons avec la projection des courts-métrages pour la compétition internationale de films courts. Donc nous avons la sélection numéro 1, numéro 4 et numéro 5. Nous avons des documentaires européens en compétition, à savoir que nous avons deux projections tout au long de la journée, bon, à partir de 14h15 pour toutes ce qui est les compétitions, au Goethe Institut, au Conservatoire, au Théâtre de la Manufacture. Le Théâtre de la Manufacture, c'est la salle de la fabrique, et au Caméon. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder le film d'hier soir en plein air, Marpessa, ils pourront toujours le voir aujourd'hui au Caméon à 18h. À savoir que cette année, le focus c'est les pays des Balkans, et la projection des courts-métrages de cette zone géographique a commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous avons la projection des courts-métrages de la Grèce. Nous avons aussi en partenariat avec le Goethe Institut, mais aussi des courts-métrages qui ont été inscrits dans notre plateforme, une sélection germanophone des courts-métrages. Et en plein air, je vous invite à regarder la fiction House on Edar, donc Maison sans toit, un film qui parle de la situation entre les frontières et qui parle des Kurdes. La séance en plein air, c'est tous les jours à 21h15 et c'est toujours précédé d'un temps convivial en musique. Hein. C'est comme ça, nous avons tous les soirs des concerts, à savoir que tous ces concerts sont gratuits. Et aujourd'hui, nous avons Supercut. Donc c'est un groupe, c'est un duo. C'est un duo d'un guitariste et un batteriste. Ils peuvent créer beaucoup d'énergie autour d'eux. Je vous invite à les découvrir ce soir au cours de la manufacture à partir de 19h30 autour d'une boisson fraîche et d'un très bon repas. Et voilà, de la présence aussi de nos invités qui sont ici. Ils sont assez disponibles et ils sont là pour discuter avec vous. Voilà, un bon temps convivial à partager au cours de la manufacture. On retrouve bien sûr le programme de cette 24e édition du Festival international du film de Nancy sur le site internet www.fifnl.com. On peut aussi réserver ses places sur le site ? Non, cette année, nous ne réservons pas les places. Nous vous invitons de venir à la billetterie directement à l'accueil du festival qui est 9 rue Michel-Ney. Et là, vous pouvez acheter vos places. Vous pouvez aussi l'acheter place Maginot dans les kiosques de la place Maginot. Et je vous invite à arriver tôt aux séances, arriver une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes avant, comme ça vous êtes sûr d'avoir votre place. Et pour les plein air, je vous invite d'arriver tôt et avec vos plaids. Voilà, il commence à faire frais les soirs, effectivement. Oui. Merci beaucoup Pilar, à demain pour la suite du programme. Merci à toi Yves et à demain pour la suite du programme. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.